France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était le 26 octobre 1872 et jamais, de mémoire de Parisien, on n'avait vu une telle foule à l'enterrement d'un écrivain, Théophile Gautier, mourait à l'âge de 61 ans à l'issue d'une vie vouée à l'art. On se souvient notamment de son assiduité à défendre Victor Hugo durant la bataille d'Hernani. Il nous laisse des chefs-d'œuvre dont les plus connus demeurent Mademoiselle de Maupin et Le Capitaine Fracasse. Tout cela, nous en avons parlé lundi avec Gérard de Senneville au cours de notre émission biographique. Mardi, c'est Paolo Tortonese qui est venu nous parler de l'œuvre de Gautier, de ses clairs-obscurs et de sa préférence pour le beau par rapport au vrai. Tandis qu'hier, nous nous sommes arrêtés avec François Brunet sur la critique musicale de l'écrivain et journaliste, ainsi que sur ses récits de voyage, notamment en Espagne. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler cette fois du critique d'art qui était aussi l'auteur du roman La Momie, nous sommes en compagnie de Stéphane Guégan, lui aussi critique d'art et conservateur au musée d'Orsay, auteur d'une biographie de l'écrivain publiée en 2011 chez Gallimard. Il a enfin collaboré à l'édition de ses œuvres complètes aux éditions Honoré Champion, du moins en ce qui concerne la critique d'art, dont le tome 1 des Salons a paru cette année sous la direction de Marie-Hélène Girard. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. M'a fait penser à Théophile Gautier quand ses amis l'ont emmené au Prado, au musée du Prado à Madrid, et pour voir la Jiménez. Il est resté des heures devant le tableau sans rien dire. Ses amis étaient déjà avaient assez d'envie de s'en aller, c'était là depuis longtemps, tandis qu'ils regardaient le tableau. Et sinon, il s'est éloigné du tableau et a dit à ses copains, mais où est le tableau? Ça, c'est la meilleure critique de peinture que j'ai jamais lue de ma vie. Mais où est la peinture? Mais où est le tableau? C'est génial. Mais oui, génial. L'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes. Bonjour, Stéphane Guégan. Bonjour. Mais où est le tableau? Mais où va le tableau? Demande Théophile Gautier à ses amis devant les Ménines de Velázquez, parce que Gautier savait poser les bonnes questions, les questions fondamentales en peinture. Sans doute. Et cette guitare flamenca m'enchante. Elle nous rappelle combien Gautier, loin d'être simplement l'homme d'une préface, est aussi celui qui a fait découvrir la peinture espagnole à toute une génération. Il n'est pas le premier à se rendre en Espagne. Il est un de ceux qui ont écrit les choses les plus marquantes sur Velázquez, sur Greco, sur Goya. Oui. Effectivement, les Ménines, c'est le tableau dans le tableau dans le tableau. Et sans doute, l'expérience de la peinture espagnole, c'est-à-dire donc finalement d'une tradition assez étrangère à celle de l'art français, a décidé de sa... Au début des années 1940, hein, il a une trentaine d'années, a décidé de cette ouverture à la diversité esthétique. Donc, c'est par l'Espagne qu'il s'intéresse plus largement qu'à la France. Non, mais j'avais envie de commencer par vous en parler, puisque finalement cette musique nous a ramené en Espagne, qui est restée sa seconde patrie. Il y retourne toute sa vie, il aime la corrida, il aime les Espagnols, il aime tout de l'Espagne. Il en connaît bien également la littérature, comme tout bon romantique, qui se forme dans les années 1820. Non, avant l'Espagne, il y a le monde parisien, c'est-à-dire, au fond, la capitale de l'art au XIXe siècle. Il faut rappeler qu'au fond, c'est lycéen, au lycée Charlemagne, là où il a pour condisciple le futur Nerval, qu'il reçoit en pleine poitrine la première révolution romantique en peinture. C'est Sardanapale de Delacroix, c'est Champmartin, c'est tout ça. Et puis, c'est l'initiation à la peinture, alors qu'il n'a pas encore 20 ans. Alors justement, il faut commencer sans doute par là, par dire qu'il y a une double vocation au départ chez Théophile Gautier, la peinture, puis seulement la littérature. Alors, c'est la façon dont on présente les choses habituellement. J'ai tendance à réfuter cette thèse qu'il a lui-même d'ailleurs en partie établie. Hein. Je suis plus plastique que littéraire, dit-il. C'est d'abord un assez bon élève à Charlemagne. C'est manifestement quelqu'un qui écrit très tôt et très bien. Vous savez que c'est un de ceux, Victor Hugo l'a dit, qui maîtrisait le mieux le français, la langue française. Et à Charlemagne, il lit autant qu'il dessine et qu'il peint. Sans doute a-t-il pris conscience qu'il serait un moins bon peintre qu'un bon écrivain. Et ça, c'est tout à son honneur de ne pas avoir persisté dans une voie qui n'était pas la sienne. Alors il peint quand même un autoportrait. Vous en donnez d'ailleurs dans votre biographie une reproduction dans le cahier central. C'est un autoportrait à 18 ans où il se regarde lui-même comme un peintre en devenir. Enfin, c'est l'impression comme un peintre, qu'on en a. Oui, parce que il va l'être et le rester à travers la critique d'art, qui est une manière de faire voir par les mots. Et puis, comme Baudelaire l'a dit très bien à son sujet, c'est un peintre voyant, non pas un peintre de la voyance, malgré ce roman qui est génial, qui est Spirit, mais un peintre qui fait voir. Il l'a rappelé lui-même, je crois que c'est Maxime Ducamp qui le rapporte, que très tôt, parmi les exercices littéraires qu'on impose aux jeunes lycéens à Charlemagne, il décrit des tableaux. Il décrit des tableaux célèbres des salons. Manifestement, il va au salon. Il va au salon très tôt. Donc le salon, c'est la grande vitrine de l'art moderne. Et il est confronté à la nouveauté. Mais alors, on va parler un peu de Victor Hugo tout au long de cette émission, parce que c'est évidemment important. L'admiration pour Victor Hugo de la part de Théophile Gautier est totale. Et Victor Hugo, c'est peut-être pas autant un plasticien qu'un écrivain, mais enfin, c'est quelqu'un qui revendique à la fois de fabriquer des meubles, mais aussi de dessiner, etc., de redécorer sa maison à Guernesey. Il aurait donc pu, finalement, Gautier, continuer cette espèce de double carrière comme l'a fait son mentor. Oui, alors, il l'a fait avec moins de génie que Victor Hugo, qui est un dessinateur exceptionnel, un des grands artistes du 19e siècle, et qui aura une postérité surréaliste malgré lui. Parce que, on le sait maintenant, on les localise, il continue à dessiner, il continue à finalement avoir cette activité interdite. Mais comme un loisir ? Comme un plaisir, car le plaisir est important pour Gautier, et puis sans doute pour entretenir ce rêve interdit de ne pas avoir été peintre. C'est un homme aussi de plusieurs nostalgies, de plusieurs mélancolies. C'est un homme qui vit dans le siècle, et quand vous m'interrogiez sur les bonnes questions en peinture, il les a posées parce que il y a chez lui aussi une volonté de diffuser. Ses idées, de diffuser son goût. Très tôt, il entre en journalisme. On est au début des années 1830. Vous faisiez référence à ce volume qui vient de paraître chez Honoré Champion. Donc, ses premiers salons, 1933-1934, c'est important parce que c'est un tout jeune homme qui s'exprime. Imaginez aujourd'hui interroger sur le trottoir quasiment des lycéens sur leur goût en peinture. Et regardez comment Gautier écrit déjà. Vous êtes un peu comme Gautier, vous regrettez le temps passé où la culture était plus diffusée dans la société française. Sans doute. C'est ce que j'entends un petit peu derrière votre discours. Alors, comment est-ce qu'il arrive à la critique d'art et est-ce qu'il y arrive par les journaux pour lesquels il collabore de diverses façons et y compris pour le feuilleton? Est-ce que la pratique quotidienne de l'écriture pour le journal du feuilleton va l'aider ou influencer sa critique d'art? Je dirais qu'avant de collaborer aux grands journaux, la presse de Girardin, par exemple. C'est un homme de revues romantiques. Certaines sont dirigées par son ami Nerval, d'autres par Balzac. Il était très proche de Balzac. Il a été d'ailleurs une sorte d'éclaireur esthétique pour Balzac. Et donc, à quel niveau il y a une influence Balzac, Balzac dans sa correspondance parle de son goût pour le bric-à-brac, il achète des tableaux et régulièrement il fait référence au salon de Gautier comme lui ayant indiqué un artiste intéressant, éventuellement une valeur montante. Je pense notamment au goût qu'il partageait pour Chassériau. Chassériau qui est un artiste qui a beaucoup compté pour Gautier. Et pour Balzac également, il se peut que ce soit Balzac qui ait conduit, que Gautier ait conduit Balzac à s'intéresser à Chassériau. Et alors, je crois que ce goût pour l'écriture ou pour la critique d'art, elle vient aussi d'un phénomène qui nous est maintenant finalement un tout petit peu difficile à comprendre parce que les artistes et les écrivains se voient moins, se côtoient moins. C'est que le romantisme mêle écrivain, poète et peintre. C'est un effet de groupe. Cénacle. Vous savez, les cénacles. Alors, il y a le grand cénacle. Gautier y accède un tout petit peu avant Hernani. Et puis, il y a le petit cénacle. L'impasse du doyenné, c'est pas simplement un mythe. Il y a là, autour de Nerval et de Gautier, des artistes de leur génération. Du Seigneur, Marilla, mais également des artistes de la génération précédente qui s'intéressent à ce nouveau groupe, ce second romantisme, Delacroix par exemple. Et puis c'est un monde très mêlé, c'est-à-dire qu'on y côtoie à la fois ce que j'appelle le romantisme de la couleur et le romantisme de la ligne, issu du modèle d'Ingresque par exemple. Donc c'est quelqu'un qui baigne dans le bon milieu et qui va apprendre également à regarder les tableaux à travers le regard des peintres. Monsieur Hugo, quand il voyage, crayonne tout ce qui le frappe. Une arête de colline, une dentelure d'horizon, une forme bizarre de nuage, un détail curieux de porte ou de fenêtre, une tour ébréchée, un vieux beffroi. Ce sont ses notes. Puis le soir à l'auberge, il repasse son trait à la plume. L'ombre, le colore, y met des vigueurs, un effet toujours hardiment choisi. Et le croquis informe, poché à la hâte sur le genou ou sur le fond d'un chapeau, souvent à travers les chaos de la voiture ou le roulis du bateau de passe, devient un dessin assez semblable à une eau forte, d'un caprice et d'un ragoût à surprendre les peintres eux-mêmes. Que de fois, lorsqu'il nous était donné d'être ennemis presque tous les jours, dans l'intimité de l'illustre écrivain, n'avons-nous pas suivi d'un œil émerveillé la transformation d'une tache d'encre ou de café sur une enveloppe de lettres, sur le premier bout de papier venu, en paysage, en château, en marine d'une originalité étrange, où du choc des rayons et des ombres naissait un effet inattendu, saisissant, mystérieux, et qui étonnait même les peintres de profession. Tout en laissant courir les hachures négligentes, le grand poète causait comme il écrit, tantôt sublime, tantôt familier, toujours admirable. Et l'heure de se retirer venue, chacun se disputait les dessins rayés par la griffe du lion, qu'accompagnait ordinairement quelques dédicaces aimables, latines, espagnoles ou françaises, selon le caractère du croquis et de la personne qui l'emportait. Moi, j'avais cru comprendre, Stéphane Guégan, que quand on était un idéaliste comme Gautier, on se lassait de tout à un moment donné. Il n'est, lui, jamais revenu de Victor Hugo. Non, il l'a même défendu sous le Second Empire. C'était le seul à un moment donné aussi. Par exemple, à la sortie des Misérables, des gens comme Baudelaire pouvaient tomber un petit peu sur le livre et oui. Gautier est resté loyal. C'était un homme loyal ? C'est un homme loyal à l'égard de Victor Hugo, c'est indéniable. Et il prend des risques sous le Second Empire, beaucoup plus que Baudelaire. Du reste, l'article de Baudelaire sur les Misérables est mitigé, il n'est pas négatif. Et puis, il parle également du cercle hugolien sous le Second Empire. On peut dire qu'il agit en agent double sous le Second Empire, alors qu'il écrit dans la presse du pouvoir. Il écrit dans la presse du pouvoir, il publie quelques poèmes de circonstances à la gloire du régime. Mais il y a une religion hugolienne chez Gautier, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est, on vient de l'entendre, c'est le texte sublime sur les dessins de Victor Hugo, où il traduit à sa manière la façon dont Victor Hugo lui-même semble traduire son imaginaire, sa psyché à l'état brut. On a l'impression d'entendre déjà Breton parler du dessin automatique. Masson, d'ailleurs, André Masson, peintre qui m'intéresse beaucoup, et s'intéressait autant au dessin de Victor Hugo qu'à la littérature de Gautier. Pour revenir à Hugo, c'est aussi, pour Gautier, une manière de ne jamais dévier d'une sorte d'absolu qui est celui du romantisme des années 1830. Et puis, si l'on revient au texte qui vient d'être dit, ce qui me frappe également, ça me frappe aujourd'hui finalement plus qu'avant, c'est quand il dit que Victor Hugo est capable de passer du sublime au familier. Et là, on a déjà finalement deux termes qui définissent également l'ouverture d'esprit de la critique d'art de Gautier. Il va s'intéresser autant au romantisme issu des années 1820-1830 qu'au réalisme. On finit par l'oublier. C'est l'homme à qui Courbet écrit en 1850 pour lui demander ce qu'il pense de ses tableaux. C'est l'homme qui va pousser François Millet tout de suite, dès 1848, et le désigner comme un des grands artistes de son temps. Et c'est celui qui, en 1861, pour revenir à la guitare flamenca, intronise Manet et son guitariste espagnol. Alors on va reparler évidemment de tous ces artistes qui sont importants tout au long de notre histoire. La première critique de Théophile Gautier, je crois que c'est sur le buste de Victor Hugo, ça ne s'invente pas, de Jean Duseigneur, qui était un de ses amis sculpteurs. Bon, il y a peut-être un petit renvoi d'ascenseur, mais c'est aussi le groupe dont vous parlez, c'est le Cénacle, et puis finalement tout le monde se connaît plus ou moins. Alors évidemment, il est jeune à cette époque-là, et il a directement un ton qui est un ton de polémiste très virulent. Comment est-ce qu'on peut qualifier un petit peu le style des premières chroniques de Gautier ? D'abord, il faut rappeler que la critique d'art, et notamment le genre du salon, c'est un genre d'opposition depuis Diderot. On s'oppose au corps académique, on remet en cause la politique de l'État. Ça fait partie du genre. Et c'est les jeunes contre les générations précédentes. Voilà, avec parfois beaucoup d'injustice, parce qu'il faut, sortir du lot. Il faut également, et c'est le vieux thème de la camaraderie littéraire, imposer ses amis, imposer le groupe. Imposer l'esthétique. Donc c'est une bataille. C'est une bataille. Et finalement, Gautier est un hernaniste dans tous les domaines. La littérature, le théâtre, la poésie, comme la peinture. Et donc il faut s'opposer, il faut poser en s'opposant. Affirmer finalement la voix d'une génération. Et alors, cette voix d'une génération, c'est laquelle ? Parce que on sait que le rapport au romantisme de Gautier est un tout petit peu sujet à caution, lui qui était quand même aussi très imprégné d'art classique. Finalement, qu'est-ce qu'il défend, Gautier, dans ses critiques ? Alors d'abord, vous avez parlé d'idéalisme, c'est un mot que j'appliquerai pas à Gautier. Pourquoi pas ? Mais je sais que c'est une des idées qui finalement a presque prévalu pour mieux le dissocier d'un romantisme frénétique, Petrus Borel par exemple, ou d'un romantisme plus noir que le sien, Baudelaire. Je crois qu'il a embrassé, si tant est que ce mot ait une signification unique, il a embrassé le romantisme dans toutes ses composantes. C'est ce qui d'ailleurs m'a plu. Quand j'avais la trentaine, peut-être même avant, c'est-à-dire d'un homme capable de se reconnaître dans différentes formes ou formules du romantisme. Pour prendre un cas d'école, le fait, par exemple, qu'il ait défendu l'art d'Ingres avec le même enthousiasme que l'art de Delacroix, de Decamps ou de Chasseur, c'est assez unique. Oui. Au point que Ingres lui-même s'en étonnait et qu'Ingres a toujours manifesté beaucoup de gratitude à l'égard de Gautier. Mais quand vous dites qu'il vous a plu, Stéphane Guégan, est-ce que vous pouvez nous dire un peu davantage finalement ce qui fait qu'il est pour vous quelqu'un de tout à fait particulier? Vous avez consacré une grande partie de votre vie à l'étudier, votre biographie est une somme de 700 pages avec les notes. Qu'est-ce qui vous attache personnellement à lui? D'abord, sa capacité à sa capacité à secouer les conventions finalement du temps, à ramener la subjectivité individuelle au cœur du processus créateur, mais aussi chez lui à nous rappeler que l'art, a fortiori la peinture, a été inventé pour dire le réel. Il y a quelque chose de physique dans le rapport de Gautier au monde, aux femmes, à la littérature, à la peinture. Je crois d'ailleurs que son goût pour la peinture, il parle de cette folie pour les images, hein, qui renvoie un peu à la formule de la primitive passion de Baudelaire. Baudelaire et Gautier sont très proches l'un de l'autre parce qu'ils partagent d'abord ce goût pour l'image, et ce goût pour l'image traduit finalement chez eux un goût pour le réel, la vie réelle. Alors quand même, ce terme de vie réelle, il faut le creuser un petit peu, parce que le mot d'idéalisme que vous réfutez, il est quand même dans beaucoup de pages d'exégèse sur Gautier, et dans la bouche de beaucoup aussi de gens qui ont travaillé sur lui, et puis quand même, même lui, le renierait-il, ça n'est pas certain. Donc vous nous dites, oui, ce qui l'intéresse, c'est le réel, en même temps, il n'est pas réaliste, et il vit quand même dans une recherche d'un certain idéal. Alors comment on peut démêler un peu tout ça ? On peut dire le réel, d'ailleurs, au fond... J'ai presque envie de dire que les grands artistes n'ont fait que ça depuis l'Antiquité, mais de manière très différente. Dire le réel, ce n'est pas sacrifier sa subjectivité. Ce n'est pas même laisser croire qu'on peut en donner une image exacte. Ça serait naïf. Et Gautier n'a pas cette naïveté. Mais quand on dit et qu'on redit ou qu'on souligne le fait, par exemple, qu'il serait protégé, d'ailleurs, la fameuse formule platonicienne, hein, le beau comme splendeur du vrai, il faut entendre les termes. Le beau n'est pas une catégorie figée pour lui, et le réel non plus. Il s'agit bien de trouver, et chaque génération finalement réinvente cette approche, il s'agit bien de trouver une façon de dire le réel propre à sa génération. Les romantiques se disaient réalistes au regard de David, au regard de la vieille littérature. Finalement, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ils sont confrontés au réalisme historique. Je le répète, Gautier est du côté de Courbet en 1850. Oui, mais en même temps, Gautier, pardonnez-moi, plonge ses racines esthétiques dans l'Antiquité aussi, dans une Antiquité qui est rêvée, même s'il la rend vivante et présente, au contraire d'ailleurs des romantiques pour le coup. Mais vous avez dit le bon mot, il la rend vivante et présente. Je crois que les vrais romantiques englobent l'héritage de l'Antiquité plutôt qu'ils n'en soulignent finalement la différence. Victor Hugo connaît ses classiques par cœur. Ce sont des latinistes, ce sont des forts en thème, tous ces romantiques. Et Nerval également. Donc, Chateaubriand, n'en parlons pas. Donc, c'est, je crois, une vision propre au XXe siècle, propre à l'âge des ruptures, des avant-gardes, que d'avoir opposé Gautier à l'héritage classique. Il ne fut pas un critique rigide. Il n'était pas dans sa nature de se fixer un modèle. Les choses qu'il aimait, il en parlait bien. De celles qu'il n'aimait pas, il parlait un peu moins bien. Les critiques, ses confrères, qui auraient préféré compter sur lui pour nourrir leur jugement sévère, le trouvait d'une impardonnable bienveillance. Avec le temps, nous pouvons imaginer qu'il se tint plus près qu'eux de la vérité et qu'il rendit de meilleurs services. Son irrésistible besoin de positif en art, de quelque chose qui puisse se décrire, se mettre en mots, pour ainsi dire, le mena souvent à imaginer le mérite là où il ne se trouvait pas, mais bien plus souvent, sans doute, à le déceler là où il se cachait aux yeux des autres. Il fut un commentateur constructif, et si l'œuvre prise à la lettre est souvent inférieure à l'éloge qu'il en fait, celui-ci, cet éloge, avec sa saisie magique de l'esprit, peut faire figure pour nous de généreux enseignements. C'est la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons avec Stéphane Guégan de l'écrivain et critique d'art Théophile Gautier, en l'occurrence du critique d'art tel qu'en parlait l'écrivain Henry James dans cette lecture. C'est un découvreur, Théophile Gautier, nous dit Henry James, il voit ce que les autres ne voient pas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a été visionnaire sur l'art de son temps, ou est-ce qu'au contraire, il était finalement bien de son siècle ? J'entends deux choses dans, dans Henry James, effectivement, sa capacité à voir et sa capacité à faire voir. L'exercice même de la description, la fameuse ekphrasis qu'il renouvelle. Donc la description de l'image. Description d'image, faire voir. Faire que les mots nous donnent l'impression, finalement, de se transformer en tableau, de se transformer en sculpture. Ça, il est royal, d'emblée. C'est-à-dire qu'on voit immédiatement de quoi il nous parle. Et n'oublions pas qu'il est également le contemporain de l'essor de la presse illustrée. Il a un rival, c'est-à-dire la reproduction, la gravure de reproduction, bientôt la photographie, auquel il s'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il pense de la photographie, justement ? Il l'a pratiquée, il la pratique avec son ami Eugène Piot dès 1840-41. La photographie est née en 1839. Il a régulièrement des formules qui montre qu'il se considère lui-même comme une sorte d'appareil photographique, plus intelligent au fond que l'objectif mécanique. Et il a eu des amis photographes, en plus de ses amateurs des tout débuts. Mais il n'était pas contre l'idée de la reproductibilité, qui est quand même un petit peu antithétique voilà, avec l'art artisanal. Dans la mesure où on reproduit les bonnes choses, dans la mesure où on diffuse les bonnes images. Rappelez-vous qu'en 1848, autre point aveugle de l'historiographie gautiériste, il est au cœur même de la politique républicaine des images. C'est-à-dire qu'il est là et il fait en sorte que, une fois de plus, les bonnes images, les bons peintres soient connus du plus grand nombre. On continue à penser que c'est un homme qui a inventé l'élitisme fin de siècle. Mais alors, par exemple, par rapport à un Baudelaire dont on a l'impression qu'il est vraiment un marchepied pour les avant-gardes, peut-on dire vraiment la même chose pour Gautier ? Le XXe siècle ne va pas tellement regarder Gautier et se l'approprier comme étant un de ses illustres prédécesseurs. Enfin, je parle encore des avant-gardes du XXe. Vous avez raison. Ceux qui s'approprient Gautier, c'est Baudelaire d'abord. Oui, mais le premier, son contemporain. Et puis c'est Mallarmé, c'est Huysmans. C'est déjà pas mal, Henry James. Et puis au XXe siècle, mais on n'a pas le temps d'en parler, on continue à le lire. Évidemment, Baudelaire est beaucoup plus programmatique. Rappelons tout de même que Baudelaire, contrairement là encore à une théorie un peu fumeuse, n'a jamais vraiment adoubé l'art de Courbet et encore moins l'art de Manet. Donc on fait de Baudelaire le grand éclaireur parce qu'on s'approprie les idées de Baudelaire, on les applique à tout autre chose. Et alors en peinture, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'il voit ce qui va constituer des références pour les peintres des générations qui suivront ? Ou est-ce qu'il y a quand même des angles morts avec Théophile Gautier ? Oui, il y a des angles morts dans la mesure où il n'est pas toujours finalement disposé à accepter tout de l'art de son temps. Il fait un tri. Il le fait avec une honnêteté, une candeur, dit Baudelaire. Rappelez-vous le mot de Baudelaire à propos des salons de Gautier. Il y a tant de candeur et de majesté. La candeur, c'est pas l'innocence, hein. C'est une capacité enfantine à finalement comprendre ou en tout cas admettre la différence. Est-ce qu'il a la capacité, par exemple, de comprendre l'origine du monde de Courbet dont vous parliez ? Alors pas de ce tableau, mais vous parliez de Courbet tout à l'heure, Stéphane Guégan. On a l'impression que là, quand on lit ses critiques, il n'a pas vu toute la modernité de ce tableau quand même révolutionnaire, qui est d'ailleurs au musée d'Orsay. Tableau que personne n'a quasiment vu de ça avant longtemps. Mais de Courbet, il parle très bien. Il a des réserves, puisque effectivement, le réalisme de Courbet, le réalisme de Manet, contredit une part du programme romantique. Mais il y reconnaît aussi, il y reconnaît l'héritage de ce qu'il est. Quand il dit que Courbet et le réalisme des années 50 dramatise la vérité et qu'il faut finalement continuer à le faire, sinon on tombe dans la banalité, sinon on tombe dans le vulgaire, il est fidèle à lui-même. À l'évidence. Parce qu'il trouve que c'est vulgaire, par exemple, l'origine du monde, ou banal, on peut l'origine pas dire que ce soit banal. Je répète, c'est un tableau qu'il n'a pas vu. Donc ce qu'il a vu, c'est l'enterrement à Ornans, ce qu'il a vu, c'est les casseurs de pierres, ce qu'il a vu, c'est le paysagiste qu'il célèbre comme un des plus forts de son temps, je veux dire, un paysagiste qui était Courbet. Et puis, en 1861, il n'y a que lui pour voir le tableau de Manet. Je dis bien que lui. Ils sont trois et il n'y a que lui pour exalter la nouveauté de Manet. Et Manet, jusqu'à Olympia, tableau que, effectivement, Gautier, mais il n'est pas le seul, ne parvient pas à tout à fait comprendre, jusqu'à 165, Manet cherche le soutien de Gautier. Il faut entrer là, il faut oublier les grandes catégories, et il faut rentrer dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait une biographie. Et c'est pour ça qu'il faut la lire et qu'on va continuer d'en parler juste après la chronique du jeudi que nous propose aujourd'hui Stéphanie Genon. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Cette carte blanche donc à vous Stéphanie Genon, professeur de littérature française du 18e à l'Université de Bourgogne. Bonjour. Bonjour Mathieu. On aimerait justement vous entendre sur le même sujet que celui dont on parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure, c'est-à-dire sur le rapport de Gautier avec l'art que vous avez découvert par le biais de ses critiques du dessinateur Gustave Doré, c'est ça ? Oui, je ne suis pas du tout une spécialiste de Gautier, comme je disais à Stéphane en arrivant. Je l'ai découvert vraiment cette année, enfin je le connais bien sûr comme écrivain plutôt, comme écrivain fantastique d'ailleurs plutôt. Quelle image en aviez-vous alors avant de le découvrir ? Moi j'ai quelqu'un qui aime les zones troubles, c'est ça qui m'intéresse chez lui, aussi bien des troubles d'identité sexuelle, ce qu'on a beaucoup dit aussi pour Gautier, avec ses romans du travestissement, et puis des troubles psychiques, il aime les zones d'inquiétude, voilà, donc j'avais a priori, comme c'est ce que j'aime aussi, un préjugé favorable, et travaillant sur Gustave Doré cette année pour un cours, effectivement, j'ai lu qu'il lui-même, d'ailleurs, explore au plus profond hein, les zones obscures, enfin, on peut dire ça de tous les écrivains, mais et tous les illustrateurs, a fortiori de cette époque-là, j'ai lu la critique que Gautier fait de Gustave Doré. Et là, ça a été vraiment pour moi un choc à plusieurs niveaux. D'abord esthétique, parce que j'ai trouvé qu'effectivement, il arrivait, vous l'avez dit, avec magie, à trouver une langue pour décrire, en l'occurrence, des illustrations. Mais les illustrations, je fais référence aux illustrations de la Divine Comédie de Dante que Doré réalise en 1861. Donc il y a juxtaposition d'univers qui fascine Gautier, celui de Dante, celui de Doré et celui, le sien aussi, qui se rajoute. Donc quand on lit la critique de Gautier, on trouve un imaginaire très puissant pour nous faire rentrer, nous, dans l'œuvre de Doré. Et puis je me suis dit qu'effectivement, c'était aussi quelqu'un qui nous montrait ce que c'était que la critique aussi. Donc c'est un écrivain qui s'empare d'une rubrique journalistique, mais ça reste un écrivain. Oui, mais la critique d'art, c'est pas du journalisme. D'ailleurs, il a lu Diderot l'a dit, enfin, un des écueils ou un des défis de ce genre bâtard qui n'a pas de modèle et qui du coup est à la fois, c'est ce que Gautier dit, je suis pas écrivain, je suis rien, donc je peux être critique d'art, puisque de toute façon, Diderot dit la même chose, c'est un genre sans orphelin de théorie et de modèle, donc c'est très libre. Du coup, c'est très créatif aussi. Mais c'est aussi un genre qui doit trouver une écriture. Comment donner à voir dans les mots, comment réaliser, réussir, ce que Gautier appelle une transposition. Il faut plusieurs langues, il faut parler plusieurs langues. Et c'est ce qu'il fait, lui, vraiment, avec puissance. Et puis, je pouvais pas m'empêcher aussi de me dire que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est aussi des critiques, non pas d'art, mais d'œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'arriver à rendre compte d'une œuvre ? Alors, est-ce que ça veut dire y mettre sa subjectivité ? Aussi, mais d'abord, aller comprendre la subjectivité de celui qui crée. Donc, on n'est pas dans la problématique propre à la critique d'art de la transposition d'un langage à l'autre, du visuel au mot, de l'espace au temps. Il y a toute une intermédialité là, assez problématique. Mais en même temps, il faut aller comprendre un univers, un microcosme, dit Gautier. Et là, je l'ai trouvé, moi, fascinant, parce que quand il parle d'un artiste, il parle pas seulement d'une œuvre. Donc, il parle de Gustave Doré ou il parle de lui, alors, dans ses critiques ? D'abord, il parle de Gustave Doré dans sa totalité. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas comprendre un dessin de Doré sans comprendre tout l'univers qu'il y a derrière, comme le microcosme. L'artiste, il ne peint pas un objet, il peint avec l'univers qu'il a. Et ensuite, effectivement, cet univers, on le comprendra d'autant mieux qu'il résonnera inconsciemment et consciemment aussi avec le nôtre. Donc il y a du coup résonance imaginaire. Et c'est ça la réussite d'une critique, c'est qu'il faut l'imaginaire de Gautier touché par celui de Doré pour que le nôtre aussi soit touché, si bien qu'il y a concert fertile de subjectivité. Alors j'aimerais aussi vous entendre, Stéphanie Genon, sur la question qui traverse notre semaine Gautier depuis lundi et qui est-ce qu'il est légitime de s'intéresser, comme il l'a fait, presque exclusivement à l'art. Qu'en pensez-vous ? Ben, j'en pensais, il a raison, mais on pourrait lui reprocher quoi? Mais bien sûr, parce qu'il dit d'abord au début de l'artiste, hein, le journal dans lequel il publie certaines de ses critiques en 1856, il dit il faut le faire pour éduquer d'abord. Donc c'est pas quelque chose de solipsiste, enfin vous l'avez dit Stéphane, de fermé, d'égocentrique ou d'égoïste. Il faut aimer l'art et s'y intéresser pour que d'autres gens puissent s'y intéresser. Première raison. Et mais ces critiques sont-elles élitistes et destinées à un public qui est déjà un public lettré mais personne, qui connaît les peintures? Personne n'est lettré, ça c'est un mythe moderne. Au 19e, un peu plus qu'au 18e, mais les salons Diderot avaient 13 lecteurs. Enfin, je ne crois pas qu'on écrive pour le peuple encore à cette époque. Mais en plus, il dit que quand on travaille sur l'art, on travaille sur l'homme. On travaille sur l'humain, on ne travaille pas simplement sur une production esthétique. Donc, qui s'intéresse à l'art s'intéresse à toute l'humanité. On pourrait dire la même chose aujourd'hui des gens qui disent ça ne sert à rien de faire de la littérature. Mais simplement, ce n'est pas des trucs techniques, la littérature. Comme la peinture, ce n'est pas un jargon technique. C'est travailler sur ce que nous sommes. Et comprendre ça, c'est plus qu'utile, c'est nécessaire. C'est le sentiment qui compte. Est-ce que ce mot-là vous convient? Et on terminera là-dessus. Il le faut, mais il n'est pas suffisant. Il faut la technique, et on voit que Gautier l'a aussi. Il faut savoir ce que c'est qu'une peinture, comment on la fabrique, la chimie aussi, le réel de la peinture, son côté pratique. Et puis, il faut aussi la langue, il faut l'imaginaire. Un tout petit mot de réaction, Stéphane Guigan. Je bois ses paroles. Nous buvons tous les paroles de Stéphane Guigan. Je bois ses paroles. J'ajouterais simplement qu'à propos de Doré, il y a là une complicité. Gautier s'ouvre à l'art entier de l'époque, mais il a également ses choix, il a ses élus, ses amis, ceux qu'il tutoie, par exemple dans sa correspondance. Et Doré est très proche de lui. Doré d'ailleurs a illustré le fracas sous le Second Empire. Mais grâce à Gautier, nous avons connaissance également de choses qui ont disparu dans l'œuvre de Doré et qui nous rappellent que toute l'époque, qu'on dit moderne, pivote également sur ce qu'il faut désormais peindre en ce milieu du 19e siècle. Il y a une phrase que je cite de mémoire et que je tire du salon de 1852 de Gautier. « Faut-il peindre une femme dans un tub ou la mort d'Hector ?» Gautier a ce genre de questions et c'est précisément la question des modernes. Que faut-il peindre ? Il a choisi et il ne va pas forcément peindre ce qu'il ne considère pas comme étant un sujet haut. Alors par exemple, il n'aime pas la laideur ou ce qu'il considère comme étant de la laideur en peinture, alors que Baudelaire lui intègre la laideur plus facilement dans sa poésie. Je le dirais pas comme ça. Rappelez-vous que dans les années 50, même ces nouvelles fantastiques se tournent vers le monde moderne. Il appelle ça l'habit noir. C'est lui d'ailleurs qui amène Baudelaire à s'interroger sur la poétique de l'habit noir. C'est un monde plus riche qu'on ne le croit, Gautier. Et riche d'interrogations. Effectivement, Baudelaire peut se montrer plus tranchant, précisément parce qu'il vient après. Et qu'il faut faire entendre une autre voix. Mais Gautier s'interroge sur la capacité, par exemple, qu'a la peinture à représenter le monde moderne, à la littérature, à dire, justement, la société du temps. C'est pour ça que les réalistes s'intéressent à lui. Sur France Culture, on continue d'évoquer l'activité de critique d'art de Théophile Gautier, écrivain dont il est question ici depuis lundi dernier. Nous le faisons avec Stéphane Guigan, auteur notamment d'une biographie de l'auteur aux éditions Gallimard. Dans son œuvre, Delacroix a toujours cherché le signe caractéristique, le trait de passion, le geste significatif, la note étrange et rare. Son dessin, qu'on a si souvent critiqué et qui est très savant, malgré de visibles incorrections que le moindre rapin peut relever, ondoie et tremble comme une flamme autour des formes qu'il se garde de délimiter pour n'en pas gêner le mouvement. Le contour craque plutôt que d'arrêter l'élan d'un bras levé ou tendu. La couleur s'entasse à l'endroit qui est le point central de l'action, car avant tout, Delacroix veut donner la sensation de la chose qu'il représente dans son essence même et non dans sa réalité photographique. Le but de l'art, on l'a trop oublié de nos jours, n'est pas la reproduction exacte de la nature, mais bien la création au moyen des formes et des couleurs qu'elle nous livre d'un microcosme où puissent habiter, se produire les rêves, les sensations et les idées que nous inspire l'aspect du monde. C'est ce que comprenait instinctivement ou scientifiquement Delacroix et ce qui donnait à sa peinture un caractère si particulier, si neuf et si étrange. Il aura donc toujours une très grande admiration pour Delacroix, Stéphane Guégan, qu'il célèbre comme le peintre en soi, celui qui crée, je vous cite, un monde à partir de son expérience affective et raisonnée du réel et des moyens propres à son art. Oui, il faut toujours poser le langage sur deux plans, celui, puisque nous sommes en représentation, celui de l'écriture et celui du sujet qu'il traduit ou qu'elle traduit. Le texte qu'on vient d'entendre le dit très bien. Il y a les critères de correction et puis il y a l'écriture personnelle de l'artiste. Il parle d'ailleurs de la facture de l'artiste comme il parlerait de l'écriture d'un poète. Elle est personnelle. Elle peut paraître incorrecte, dit-il, aux rapins formés à l'école des Beaux-Arts, enfermés dans des canons. Le grand artiste doit savoir s'approprier les règles de son art pour y imposer son écriture, sa griffe, dit-il. Alors, le grand artiste, qui est-ce? Parce que chez Gautier, il y a quand même une hiérarchie entre les arts, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément les peintres qu'il met tout en haut de la pyramide. C'est difficile à dire, puisqu'il a souvent rappelé sa passion première pour les images. Effectivement, il y a Victor Hugo, une sorte de surmoi. Mais Ingres n'est pas loin de ce surmoi ou de partager ce surmoi, par exemple. Mais ça, c'est des noms. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez lui une hiérarchie entre les arts et qui serait finalement où on trouverait en haut l'architecture? Cette hiérarchie n'est pas tellement. Vous avez raison. C'est une très bonne question puisque je m'intéresse au reste du 19e siècle et même au 20e siècle et donc et notamment au rapport des écrivains à l'art. Il y a généralement une petite condescendance des écrivains à l'égard de la peinture. On la trouve pas. On la trouve par exemple beaucoup plus chez Zola que chez Gautier. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et en cela, il est très proche de Baudelaire. Il n'y a pas de condescendance chez Baudelaire pour les écrivains, pour les peintres, pardonnez-moi. Dans la mesure où effectivement, depuis l'Antiquité, on sait que le langage articulé est plus il est supposé être plus profond que le langage du visible. Cette hiérarchie, elle vient de loin, elle vient de l'Antiquité. Donc lui, Gautier la renverse. Gautier la renverse. Et je pense que même les cénacles romantiques étaient l'expression d'un renversement. Dans l'unité des muses, on a parlé de l'artiste, ce journal illustré qui naît en 1830 et dont le frontispice célébrait l'union des muses, l'unité des arts. Je crois que peu d'écrivains l'ont mieux personnifié que Gautier. Donc il aimait la pierre, il aimait la sculpture, il aimait donc, je l'ai dit, l'architecture, et seulement en troisième, me semble-t-il, il mettait la peinture dans sa hiérarchie des arts. Il faudrait dire un mot, peut-être, on a déjà entendu son nom dans cette émission, d'un peintre, Ingres, qui semble représenter une espèce d'adéquation totale avec l'esprit de Gautier. Et avant d'en dire un mot, je propose d'écouter un extrait de texte de Gautier. Soulevé à demi sur son coude noyé dans les coussins, l'odalisque, tournant la tête vers le spectateur par une flexion pleine de grâce, montre des épaules d'une blancheur dorée, un dos où court dans la chair souple une délicieuse ligne serpentine, des reins et des jambes d'une suavité de forme idéale, des pieds dont la plante n'a jamais foulé que les tapis de Smyrne et les marches d'albâtre orientales des piscines du harem, des pieds dont les doigts, vus par-dessous, se recourbent mollement, frais et blancs comme des boutons de camélia, et semble modelé sur quelque ivoire de Phidias retrouvé par miracle. L'autre bras, languissamment abandonné, flotte le long du contour des hanches, retenant de la main un éventail de plumes qui s'échappe en s'écartant assez du corps pour laisser voir un sein vierge d'une coupe exquise. sein de Vénus grecque, sculpté par Cléomène pour le temple de Chypre et transporté dans le sérail du Padisha. Pourquoi aime-t-il tant Ingres, selon vous, Stéphane Guégan ? La sensualité de la peinture d'Ingres est évidemment un élément de la séduction qu'elle exerce sur Gautier, qui est un homme qui chante la femme, le désir, l'Orient, la diversité, l'autre. L'Antiquité, puis, de nouveau, peut-être ? L'Antiquité, mais une Antiquité vivante. L'Antiquité, non pas l'Antiquité des professeurs, mais l'Antiquité, finalement, des émois, des premiers émois, ses lectures d'écoliers, son goût pour la tragédie, la poésie ancienne. Et puis, c'est un texte merveilleux qui démontre l'amplitude même de ses curiosités esthétiques, qui vont d'Ingres jusqu'à Manet, quelles que soient les réserves qu'il a pu avouer à l'égard du réalisme. Mais notez les termes. Ce qui l'intéresse chez Ingres, c'est la façon dont Ingres réinvente ces sujets antiques. Pour le coup, la grande odalisque, d'ailleurs, n'est pas tout à fait antique. Elle appelle des métaphores qui relèvent de l'imaginaire antique, mais c'est une figure, finalement, de l'imaginaire turc aussi, qui est aussi une autre forme d'imaginaire que Gautier nourrit. Alors, il y a tout un champ lexical qu'on a entendu dans cet extrait. Il y a aussi l'ivoire, l'albâtre, les tapis de Smyrne. C'est aussi un champ lexical du luxe. Est-ce que ça, c'est un terme que Gautier reprendrait à son compte ? Luxe, calme et volupté, j'ai presque envie de dire. Oui, alors il l'emploie dans plusieurs contextes, notamment quand il prend la mesure du goût pour le collectionnisme qui se répand dans la France des années 1840-50, collectionnisme d'ailleurs qu'il appuie de tous ses efforts, et il dit que le luxe se répand, le goût du luxe se répand. Oui, il a aimé le luxe un peu comme la part maudite de Georges Bataille, c'est-à-dire ce qui échappe à la société utilitaire, ce qui échappe à la société moderne. Oui, mais en même temps, c'est un luxe d'objets, encore une fois, l'ivoire, l'albâtre, les tapis de Smyrne. C'est un luxe surtout qu'il a finalement peu fait entrer dans sa vie même, sinon dans l'ordre de l'imaginaire, des images. On est là dans l'ordre de la compensation, érotique, existentielle, sans doute. C'est sans doute aussi pour ça que ces textes nous semblent encore si vivants. On sent palpiter les corps à l'écoute de ce que l'on vient d'entendre. Le luxe, oui, mais ce n'est pas le luxe, des nouveaux riches. Mm-hmm. Ce n'est pas le faux luxe du 19e siècle. C'est le luxe qui correspond aux vraies valeurs. Donc il a vu chez Ingres quelque chose que d'autres n'ont pas vu, parce que c'était un peintre qui a été beaucoup moqué quand même à son époque. Au point qu'Ingres lui écrit assez rapidement pour lui dire « Jeune homme, j'ai été sensible à votre défense parce que je ne suis pas habitué finalement à ce que les jeunes gens de votre génération parlent de ma peinture comme cela ». C'est aussi Ingres d'ailleurs qui fait évoluer, j'ai essayé de le montrer, les critères de Gautier, notamment le fameux portrait de Bertin, qui désarçonne Gautier. Comment peut-on passer de la grande odalisque à Bertin ? Comment peut-on passer autant de temps dans une boutonnière, dans l'habit moderne, hein, puisque c'est ça le génie de Bertin. Et c'est au fond peut-être Ingres qui entraîne Gautier à davantage s'intéresser aux peintres de la modernité. Mmh. Donc il y a peut-être une forme d'identification de Gautier envers Ingres, poète moqué. Il était moqué lui-même, Gautier. Bon, d'abord, il a été moqué quand il était enfant, au point que son père a dû le changer d'école. Ça peut avoir son importance, psychologiquement parlant. Mais aussi, plus tard, poète pur, viveur sans alliance, Gautier prête le flanc à toutes les humiliations et à toutes les bassesses, écrivez-vous. On considère que sa littérature est trop objective, qu'elle manque d'âme, qu'elle manque de sentiments, qu'elle manque également de morale. Ses livres sont mis à l'index par la papauté très tôt et par la morale officielle du temps. C'est ce qu'il appelle le Kant. pour employer un mot anglais, et jouer sur les mots également. Il est le représentant d'une sorte d'immoralisme. Donc ses ennemis sont qui alors ? Ses ennemis, c'est l'école du bon sens, ce sont ceux qui lui refuseront toujours un siège à l'académie, ce sont ceux de la presse bien pensante de l'époque. C'est un monde finalement beaucoup plus fermé à la liberté artistique qu'on le croit. Et il voit en Ingres, peintre du nu, peintre de la chair, fut-elle d'albâtre, peintre de la sexualité et de l'Orient, un rempart à la morale officielle, un rempart au puritanisme qui se répand, et il le défend aussi pour cette raison. Il le défend aussi pour cette raison, mais je crois qu'il est surtout, à travers ce culte ingresque, l'homme des contraires. C'est la raison pour laquelle il est difficile de l'appréhender. Sans être un chef d'école, il n'a ni la science, ni la tradition, ni les principes nécessaires pour un pareil rôle. Monsieur Manet a une certaine action sur la peinture contemporaine. Et cette action, il la doit à une seule chose, la persistance du ton local qu'il maintient d'un bout à l'autre de ses figures, ce qui leur donne une unité puissante, en dépit des fautes de dessin et de perspective, des maladresses et des barbaries d'exécution faites pour rebuter les moins délicats. Ce ton local est ordinairement assez fin et montre chez l'artiste un sentiment sommaire mais juste de la couleur. Voilà le vrai mérite de M. Manet, qui a beaucoup étudié l'école espagnole, Velázquez et surtout Goya, dont il outre encore la manière lâchée. Mais il n'a ni son feu, ni son esprit, ni sa fécondité de composition, ni ce magnifique sentiment de l'horreur, ni cette terrible ironie caricaturale qui va jusqu'à la monstruosité, qui font de ce petit-fils de Velázquez et de Rembrandt un artiste de grande race encore et tout à fait à part. Car M. Manet, en qualité de réaliste, dédaigne l'imagination. L'exposition de M. Manet est relativement sage et ne fera pas scandale. S'il voulait s'en donner la peine, il pourrait devenir un bon peintre. Il en a le tempérament. Lecture d'un article sur Manet de 1967. La lecture, bien entendu, pas l'article. Alors ça pose la question du réalisme, encore et toujours, qui est quand même un petit peu toujours au cœur de la problématique, Stéphane Guillon. Oui, dans la mesure où il a bien compris que c'était une des grandes poussées du siècle, dès 1850 avec Courbet. Il émet des réserves, je l'ai dit, je le répète. Ces réserves tiennent à une chose, c'est que la peinture de Manet lui semble pauvre de cette expression, cette surenchère expressive qui lui fait dire de Goya et de Velázquez qu'ils sont des peintres admirables, mais que leur disciple, Manet, manque au fond de feu. C'est tout l'art de Manet. Dire ça. Est-ce que ce n'est pas être un peu aveugle que de dire ça? Évidemment, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais tout de même. C'est facile de le dire aujourd'hui, car je travaille toujours beaucoup sur Manet. Je vous assure que la réception critique de Manet montre que Gautier n'est pas le seul à avoir été aveugle. Rappelez-vous que Baudelaire n'écrit pas sur Manet. La peinture de Manet, finalement, clôt le bec quasiment à toute la critique. Il y a des exceptions, mais c'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est d'essayer de voir, de faire le tri. D'ailleurs, comme très honnêtement Gautier le fait dans ce texte, il pèse le pour et le contre, alors que la plupart de ses contemporains rejettent en bloc la peinture de Manet ou la passent sous silence. Il sent bien qu'il y a un peintre, il le dit. Mais alors il dit quand même, par exemple dans sa critique de Olympia, il dit « Que dire de la négresse qui apporte un bouquet dans un papier et du chat noir qui laisse l'empreinte de ses pattes crottées sur le lit ?» Est-ce que c'est vraiment important que les pattes du chat soient crottées ?« Nous excuserions encore la laideur, mais vraie, étudiée, relevée par quelques splendides effets de couleur. Ici, il n'y a rien, nous sommes fâchés de le dire, que la volonté d'attirer le regard à tout prix. » Il y a quelque chose pour cet homme qui est le contraire de la mesquinerie, qui est au contraire d'une grande ouverture, c'est ce qu'on comprend en vous écoutant, Stéphane Guillon. Il y a quelque chose de pourtant un petit peu mesquin. Bon, après, on peut se tromper sur un plateau, sur un tableau ou sur un peintre. On souffre un peu, bien sûr, à relire la page sur Olympia, même si elle témoigne aussi entre les lignes d'une difficulté à comprendre cet objet. D'ailleurs, il a une phrase magnifique. Au fond, quelle que soit l'approche de cette image, Olympia, finalement, n'est pas compréhensible. Hein. C'est une sorte de monstre esthétique. Ça le fascine, mais il ne peut pas la prouver. Reste que, finalement, cette peinture qui met en difficulté Gautier le confirme dans ce qu'il appelait le danger du réalisme. Il a encouragé Courbet et le premier Manet, finalement, à renouveler la peinture, à la rajeunir. Et en même temps, il l'a toujours dit, il y a une menace, c'est le littéral. Et en même temps, il aime la photo, comme vous le disiez. Il aime la photographie. Donc, c'est toute l'ambiguïté du personnage. Il faut se rappeler qu'il a été l'homme de plusieurs révolutions. On peut pas non plus, finalement, tout au long de sa vie, être le prophète du temps présent. Est-ce que, tout simplement, il n'est pas quelqu'un qui pouvait, en fonction de son humeur du jour, dire blanc ou dire blanc cassé ou dire gris? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi ça? Je crois que plus profondément, il s'est montré capable tout au long des années 60, puisqu'il va mourir au fond en 72 et ne verra pas le dernier moment de l'œuvre de Manet, pour rester sur Manet, il a été capable jusqu'en 70 de se contredire en disant finalement cet artiste-là était capable véritablement du meilleur comme du pire. Il n'est pas le seul à le penser. C'est aussi le génie de Manet que de passer d'un extrême à l'autre. Et je dois dire que dans ma lecture de Manet, les textes de Gautier m'ont beaucoup appris, puisque la critique négative nous apprend autant, sinon plus, que la critique affirmative. Et elle démontre jusqu'au bout une sorte d'inquiétude. Manet inquiète Gautier, dans la mesure où il a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'un provocateur, qu'il y avait là un peintre opiniâtre, et que cette peinture, il le sait, puisque Baudelaire est en correspondance avec les deux autres, cette peinture, prolonge en partie le romantisme dont il a été lui-même le promoteur. Et donc Manet le met en difficulté avec lui-même. Est-ce que finalement, là où il n'est pas visionnaire, c'est précisément dans la hiérarchie des arts dont on parlait tout à l'heure, si on la transpose à aujourd'hui? Aujourd'hui, il semble clair que c'est l'image qui prime bien avant la littérature, bien avant le texte. Est-ce qu'il n'y avait pas une angoisse aussi comme ça chez lui, même si il voyait venir les choses? C'est la vidéosphère de Régis Debray, c'est-à-dire le monde où l'image l'emporte sur l'écrit. Et il envoie les prémices, puisqu'il a même travaillé pour la presse illustrée, et avant Huysmans, il s'interroge, vous avez raison. Et il est dedans quand même, en effet. Oui, vous avez raison sur l'équilibre des pouvoirs. Raison sans doute pour laquelle sa langue est de plus en plus puissante, riche en suggestions, riche en descriptions. C'est un daguerréotype littéraire. Et c'est précisément parce que la peinture de Manet ou de Courbet lui semble justement plus littérale, plus concise, moins riche en expressions, qu'elle l'inquiète. C'est une chose intéressante d'ailleurs que de ramener sa réflexion sur le réalisme dans la multiplication de l'imagerie contemporaine. C'est en effet quelque chose à laquelle on peut réfléchir en se référant à votre biographie parue en 2011 et publiée à la NRF. Merci beaucoup Stéphane Guégan. Merci à vous. C'est la Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Adèle Caglard.